بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui le septième cours dans l'explication de l'épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala concernant les invocations et les azkar. On a commencé hier le chapitre lié aux invocations du matin et du soir. L'auteur qui dit rahimahullah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qol kana nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam idha amsa qala amsayna wa amsa al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم. Et donc l'auteur qui nous dit que Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait en soirée, il disait: certes, nous nous trouvons en soirée et le royaume appartient à Allah et toutes les louanges reviennent à Allah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui, seul et sans associé. À lui appartient la royauté et les louanges, et il est capable de toutes choses. Ô Seigneur, je te demande les meilleures choses de cette nuit, c'est-à-dire les meilleures choses que tu as décrétées qui arriveront durant cette nuit, et les meilleures choses qu'il y a après. J'implore ta protection contre les plus mauvaises choses de cette nuit, et les plus mauvaises choses qu'il y a après. Ô Seigneur, j'implore ta protection contre la fainéantise et la difficulté de l'âge avancé. Ô Seigneur, j'implore ta protection contre un châtiment dans le feu et un châtiment dans la tombe. Et lorsqu'il se trouve à l'aube, il récite la même invocation, mais en disant « Osbahna wa osbah al-mulku lillah » Nous nous trouvons à l'aube et le royaume appartient à Allah, rapporté par Muslim. Et donc dans cette invocation, barakallahu fikoum, le serviteur, il va affirmer la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tout le royaume lui appartient. Il fait ce qu'il veut tabaraka wa ta'ala dans son royaume. Et il est celui qui fait suivre le jour par la nuit et la nuit par le jour. C'est lui qui gère toutes choses. Il dit tabaraka wa ta'ala, Yurshil Layla Nahar. Certes, il est celui qui couvre donc la nuit par le jour. Il est celui qui couvre la nuit par le jour. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Il y a dans cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Et donc le serviteur dans cette invocation, il va affirmer cela. Ce signe que nous voyons tous les jours, qui montre que la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est le seul à pouvoir gérer cela. Les changements qu'il y a dans les jours et la nuit, et que l'être humain ne peut rien faire pour changer cela. Personne ne peut dire, attendez, on va faire la journée durer un peu plus longtemps cette semaine, parce que j'ai besoin de faire telle et telle chose, etc., etc., etc. Personne ne peut faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala le seul à gérer cela, de toute sa puissance tabaraka wa ta'ala. Le serviteur va admettre la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala qui implique que c'est lui le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour cela que après avoir cité la seigneurie d'Allah, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle divinité en dehors d'Allah ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté, à lui reviennent les louanges et il est capable de toutes choses. Il y a dans cette invocation aussi, barakallahu fikoum, chers frères et sœurs, il y a le bon comportement à adopter lors de l'invocation. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jalla, il y a un bon comportement à adopter. Parmi les mœurs à adopter, il y a le fait que celui qui invoque Allah Azza wa Jalla, qui demande quelque chose, il ne commence pas directement par son invocation. Tu viens pas, tu dis, oh Allah, donne-moi ça. Allah, donne-moi ci. Allah, accorde-moi ça, etc. Le bon comportement fait que tu vas commencer d'abord par louer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, à faire ses éloges. Comme on le voit dans cette invocation. Amseina wa amsal mulku lillah. Nous nous trouvons à l'aube et le royaume appartient à Allah. Walhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Seul et sans associé, à lui appartient le royaume. Les louanges lui reviennent. Il est capable de toutes choses. Et donc ici, tu fais les éloges d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avant de demander ce que tu veux demander. Et après ça, il y a la demande. Au Seigneur, je te demande les meilleures choses qu'il y a dans cette nuit et les meilleures choses qu'il y a après celle-ci. Et donc, avant de demander, tu as d'abord fait les éloges de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme on le fait au Cheikh barakallahu fikoum dans Surat al-Fatiha. Dans Surat al-Fatiha, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur la voie de rectitude. Mais avant de le guider, avant de demander cette guidée, on fait les éloges d'Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et ensuite on fait notre demande. Et ça, c'est une habitude qu'on doit prendre. On a trop pris l'habitude, on demande directement ce qu'on veut, etc. Le bon comportement vers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de d'abord commencer par ses louanges, le fait de faire ses éloges, tabaraka wa ta'ala. Il y a dans cette invocation, barakallahu fikoum, le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala contre la paresse. Contre la paresse et contre les difficultés de l'âge avancé. La paresse, barakallahu fikoum, c'est quelque chose qui est blâmable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais au contraire, le serviteur, il doit s'efforcer d'être actif, d'accomplir les causes du bien. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable et ne sois pas paresseux. وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ. Et donc celui qui trouve en lui de la paresse, et donc cette paresse qui va l'empêcher de faire du bien, qui va l'empêcher de faire beaucoup de bien, alors qu'il implore, qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Il invoque Allah tabaraka wa ta'ala comme avec cette invocation, car la paresse fait partie des maladies du cœur. La paresse fait partie des maladies du cœur. Et comme on l'a déjà vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoquait Allah, Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik, ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc Allah, c'est lui qui détient les cœurs. La paresse est une maladie du cœur. Et donc il faut vraiment qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il enlève de nous ce mal. La paresse qui fait que l'individu reste là à ne rien faire, le temps passe, les jours passent, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, et au bout de quelques années on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de quelques années on se pose la question, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour avancer? Ou pour que l'islam avance, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la paresse, la réponse. Pour beaucoup de personnes, et donc d'où l'importance de faire cette invocation tous les jours, barakallahu fikoum. Il y a dans cette invocation donc aussi, comme on a cité, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala contre les difficultés de l'âge avancé, car l'être humain dans sa vie, soit il meurt tôt, soit Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une longue vie. Et lorsque le serviteur a une longue vie, il va être éprouvé par un élément qui est le retour vers la faiblesse. L'être humain, au début de sa vie, il est faible. Il a besoin de sa mère pour le nourrir. Il a besoin d'autrui pour être nettoyé. Il ne se nettoie pas tout seul. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la force, il se nourrit seul, se nettoie seul, va chercher sa nourriture seul par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ensuite, avec l'âge avancé, l'être humain retourne vers cet état de faiblesse où il a besoin des autres, il a besoin qu'on l'aide. Et donc ici il y a dans cette invocation le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala contre les difficultés de l'âge avancé. Parmi ces difficultés, il y a aussi la mémoire, le fait de se mélanger dans les avis, etc., etc. Toutes ces choses qui peuvent toucher les personnes âgées. Et c'est quelque chose qui est donc qui est connu et répandu et qui est difficile à vivre. Ce n'est pas facile. Donc il est important qu'on profite de notre jeunesse pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala contre cela. Il y a aussi dans cette invocation le fait d'invoquer Allah contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Et donc, certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui sauve du feu. Il est celui qui sauve du feu qui il veut. Et donc, si nous voulons être sauvés du feu, nous devons beaucoup invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les invocations, il y a celle-ci. Et bien entendu, il y a dans cette invocation le fait d'affirmer le châtiment de la tombe. Contrairement aux groupes égarés tels que Al-Asha'ira ainsi que Al-Jahmiya ou d'autres qui ont rejeté le châtiment de la tombe et qui disent que le serviteur ne se fait pas châtier, ne se fait pas éprouver dans sa tombe. Pourtant, les textes sont clairs à ce sujet, et c'est un sujet d'unanimité chez des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah. طيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. Et donc d'après Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure invocation pour implorer le pardon est Sayyidul Istighfar. La meilleure invocation pour implorer le pardon est le fait de dire Allahumma anta rabbi, ô Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa ant, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. On a encore cette même méthodologie, le fait de faire des éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala avant de faire notre demande. Ô Seigneur, Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Khalaqtani wa ana abduk, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, et donc je respecte ton engagement ainsi que ta promesse en fonction de ma capacité. A'udhu bika min sharri ma sana't, je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai accompli. Abu ulaka bi ni'matika alay, je reconnais les bienfaits que tu as fait, je reconnais tes bienfaits sur moi. Abu ulaka bi dhanbi, et je reconnais mes péchés. Faghfirli, alors pardonne-moi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, car certes personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui dit cela durant la journée, en ayant la certitude de ce qu'il a dit, puis qui meurt avant de se retrouver en soirée, alors il fait partie des gens du paradis. Et celui qui dit cela durant la nuit, en ayant la certitude de ce qu'il a dit, puis qui meurt avant de se trouver à l'aube, il fera alors partie des gens du paradis, rapporté par Al-Bukhari. Quelle belle invocation, quelle invocation grandiose. Et donc, Et c'est la meilleure invocation pour demander El Istighfar, le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela à cause de tous les sens qui sont compris dans cette invocation. Premièrement, le fait que le serviteur, lorsqu'il dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, ô Seigneur, ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi, tu m'as créé, je suis ton serviteur. Le serviteur va admettre donc la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est son Seigneur, et que le serviteur va admettre qu'il est, qu'il a été créé, et qu'il est le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit lui obéir, il doit l'adorer lui seul. Il dit le serviteur, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. Je respecte ton engagement ainsi que ta promesse en fonction de mes capacités. Et donc l'engagement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont ses ordres et ses interdits. L'engagement d'Allah, ce sont ses ordres et ses interdits. Le serviteur, il respecte cet engagement. Et donc il s'engage à obéir aux ordres d'Allah, à délaisser les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc est-ce que le musulman, il va faire cette invocation et ensuite aller forniquer, ou alors ensuite aller accomplir de graves péchés, etc. Cela n'est pas convenable. D'où l'importance, comme je le dis au cher frère, de méditer sur ce qu'on dit. Lorsque tu es dans ta prière, lorsque tu finis ta prière, lorsque tu fais tes invocations du matin et du soir, médite sur ce que tu dis, ça va t'aider à renforcer ta foi, ça va t'aider à délaisser les péchés. Maintenant, est-ce qu'une personne, puisque ici il est cité, en fonction de mes capacités, et donc je respecte ton engagement en fonction de mes capacités. Est-ce qu'une personne, elle peut nous dire, en fonction de mes capacités, donc j'arrive pas à délaisser totalement la fornication, donc la fornication, je vais la délaisser partiellement. Au lieu de forniquer chaque semaine, la personne, elle se dit, je vais forniquer une fois par mois. C'est ce que je peux faire, je peux pas faire mieux. Est-ce que cette personne-là, elle est donc dans ses droits lorsqu'elle dit cela? Elle nous dit, le hadith, il dit dans l'invocation, je respecte ton engagement en fonction de mes capacités. Est-ce qu'une personne peut nous dire, je n'arrive pas à délaisser l'alcool, donc allez, je le fais que, allez, une fois tous les trois mois? Mashallah. Barakallahu fik. Et donc on a dit que les engagements, l'engagement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont ses ordres et ses interdits. On fait la différence entre les ordres et les interdits. Les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala vont être liés à notre capacité. Allah azza wa jal, lorsqu'il nous dit fattakullah mastata'tum, craignez Allah en fonction de vos capacités. Lorsque tu ne peux pas prier debout, tu vas prier assis. En fonction de ta capacité, tu ne peux pas prier assis, tu vas prier couché. En fonction de ta capacité. Mais et donc, ce sujet-là, la capacité du serviteur, c'est un sujet qu'on va appliquer concernant les ordres, pas concernant les interdits. Concernant les interdits, tu dois les délaisser. Il n'y a pas de « je ne peux pas ». Il n'y a pas de « j'arrive pas à délaisser la cigarette » et donc « je vais prendre une cigarette par jour au lieu de 10 ». Non, il faut que tu délaisses les 15. Il faut que tu arrêtes totalement la cigarette. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu." Ce que je vous ordonne de faire, alors faites-le en fonction de vos capacités, et ce que je vous ai interdit, alors éloignez-vous-en. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Donc, on le délaisse tout de suite. Il n'y a pas de « en fonction de mes capacités ». La capacité concerne donc les obligations à ne pas se tromper, et on ne peut pas utiliser ce hadith pour continuer à faire des péchés, car ceci donc est une très mauvaise interprétation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a promis donc la récompense, la bonne récompense pour ses serviteurs obéissants. Et il a promis un châtiment douloureux pour les incroyants. Et donc le serviteur se rappelle de cela. Si tu veux donc t'aider, si tu veux trouver une solution pour t'aider à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, à délaisser les péchés, à faire les actes d'adoration, pense à cette promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, la promesse qui est la rétribution. La promesse qui est la rétribution. Et le serviteur qui va dire « A'udhu bika min sharri ma sana't » « Je me réfugie auprès de toi contre le mal de mes agissements » et donc contre le mal qui va être contre les conséquences, les mauvaises conséquences de mes agissements, parce que là, ce que l'être humain va faire comme péché, la rétribution de son péché, va être la mauvaise action qu'il va encore faire, va être le péché qu'il va faire par la suite. Et donc, le serviteur implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les mauvaises conséquences de ses agissements. Il reconnaît les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, il reconnaît ses péchés, et ensuite il implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est clair, barakallahu fikoum, lorsque le prophète il nous dit que celui qui dit cela durant la journée en ayant la certitude de ce qu'il a dit, alors celui et qui meurt avant la soirée, celui-ci fait partie des gens du paradis. Et celui qui dit cela en soirée, en ayant la certitude de ce qu'il dit, et ensuite qui meurt avant l'aube, celui-ci fera partie des gens du paradis. Et donc on voit la grande récompense qui est liée à cette invocation pour celui qui va faire cette invocation en étant sincère, en ayant la certitude de ce qu'il dit. Et cela implique qu'il soit concentré quand il fait son invocation. Il fait son invocation, il est concentré dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il n'est pas en train de faire son invocation pour aller, faut faire vite, là, faut faire askar al-sober ou al-mesa. Yalla, bismillah, bismillah, on y va. Je sais pas ce que je dis, mais ma'alish, l'essentiel, c'est que j'ai fait l'invocation pour me protéger des shayatines et des djinns. Parce que beaucoup de personnes, ils font ces invocations du matin et du soir juste pour se protéger des sorciers. Parce que comme je l'ai dit, les gens, pour beaucoup, ne pensent qu'au mal des sorciers et de la sorcellerie. Alors qu'il y a bien plus grand, il y a bien plus grave que cela du moins. Le châtiment du feu. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, que on fasse nos invocations en étant concentré et sincère, véridique. Lorsque tu implores le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il t'efface tous tes péchés, que tu aussi concernant les grands péchés, que tu réunisses les conditions du repentir pour les grands péchés, le fait de délaisser les péchés, d'être sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, etc. Et ainsi la personne se retrouve avec une feuille blanche. Plus de péchés. Plus de péchés. Et donc, ya ikhwa, ô chers frères, chères sœurs, je donc m'exhorte moi-même ainsi qu'à vous à accomplir ces invocations tous les jours. Inch'Allah ta'ala, on en a tous besoin. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran.